Je veux faire ça à plein temps, fracturer des tympans sur des rythmes éreintants, sans compter mes printemps, profiter de l'instant, m'épanouir, me nourrir des douceurs de la vie et jouir de la présence de ceux que j'aime, suivre mes passions, quitte à fuir ces bastions où le rendement et le maton regardent tendrement. Les jours s'écouler lentement et s'opérer les changements. Voir l'eau claire creuser son lit entre les pierres, murmurant son roulement, telle une prière. Observer le lierre se hisser, s'ouvrir, se plisser, mourir, esquisser des sourires. En voyant les bambins gambader sans arrêt, s'emballer pour des riens, embrasser tous les miens et celles qui épousent mes jours, les durs comme les doux, ces joies et ces doutes que le présent découvre. Laisser envahir par le bien-être que peuvent procurer les plaisirs les plus simples. Vagabonder loin des dalles obstruées, des espaces clôturés à la tombée de la nuit. S'asseoir calmement entre amis, regarder le soleil partir, tout oublier face à un tel spectacle de magie chromatique. Laisser l'air glisser le long de nos corps hérissés par l'émotion. En deux mots, être ouvert, marcher sans rien espérer, trouver, simplement se contenter d'éprouver. Faire circuler tout cet amour que j'ai tendance à avoir peur de partager. Alors comment en a-t-on donné, mettre de côté la gêne, pousser la chansonnette malgré la peine ambiante et tous ces flagrants problèmes. On en parlera plus tard, pour le moment personnellement je suis là, voguant dans le présent.